parade, nous pour notre cache, la contour de la page, ça continue en arrache, on parade dans les parages, la contour de la cage, la contour de la page, ça continue en arrache, on parade dans les parages, la contour pour notre cache, la contour de la page, ça continue en arrache, on parade dans les parages, la contour de la cage, la contour de la page, c'est mal il entraîne le bien trop les taux sales. Mon esprit, il en parle. La perte personnale, la vérité, un peu des balles. Me dire au fond des râles. Le haine et ça fait mal. Dans ta territorie règne. De la haine, on s'imprègne. Si chacun pour soi, car le cœur est devenu roi. De la France, qu'à tes doigts, pour oublier. Quelle est la merde dans mes idées. Les pères décrissés, que tout leur serait accepté. Un tapage, il dégage, des cœurs sauvages. La douleur et la vache, la cage. Ça fait mal, donc des balles, ça quand même met la rage. Mais les dés, baisse les phrases, des rails, que des balles. Ça fait mal, donc des balles, ça quand même met mal. Les idées, baisse les phrases, des rails, que des balles. Dans la rage, trop de barrage, dans les parages, la contour pour notre cache, la contour de la page. Sarkozy en a la rage, trop de barrage, dans les parages, la contour de la cage, la contour de la page. Sarkozy en a la rage, trop de barrage, dans les parages, la contour pour notre cache, la contour de la page. Sarkozy en a la rage, trop de barrage, dans les parages, la contour de la cage, la contour de la page. Sarkozy, tu donnes une guitare assolée. Moi je me tue ma race, je vais t'envoyer un sale collier. Je serai en l'an 2068, moi je suis pas folie. La révolte je se vide, là c'est de la folie. Je crois que t'as compris, nous on n'aime pas la zombie. On traîne les traîtres comme des zombies. On t'avait prévenu, on te l'a déjà dit. Faites sonner, laissez leur m'incendie. Le gros tard ressort de son lit. Te péter le nez, on te l'a déjà dit. Faites sonner, laissez leur m'incendie. Poésie, Napoléon en plus petit, SS causé, on va mêler les esprits. Ce groupe de riches arrive comme maladie. Et les vieux vont crever, ils sont dans rien à branler. On devrait les empêcher de voter, nous voilà bien emmerdés. Sarkozy, on a la rage, trop de barrage dans les parages. La contour pour notre cache, la contour de la page. Sarkozy, on a la rage, trop de barrage dans les parages. La contour de la cage, la contour de la page. Sarkozy, on a la rage, trop de barrage dans les parages. La contour pour notre cache, la contour la page, ça continue en a la rage, trop de barrage dans les parages, la contour de la cage, la contour de ta page. Qui je suis pour parler, mais qui es-tu pour présenter? On n'est pas là non plus pour plaisanter, la France ne va plus jamais rigoler. On produit tes chiffres pour travailler, au râpé, on devrait mener à mener l'anarchie. Les ouvriers, les meunières, réunis dans un même dossier. Paysans, étudiants, on délinquants, on va te péter le dossier. Je dors pas la nuit, et refuse de vivre la matinée, pour ne pas connaître l'après-midi. Je vais te réaliser que la vérité ne vient pas par. Alors écoute la mélodie de ceux qui ne roulent même pas en audi. Qui fait ronronner l'ordi, vous voulez écrit avec un stylo international amnesty. On frappe à la porte. Si tôt le matin ça n'arrive jamais. Le jour n'est pas levé, il fait encore pareil dedans. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive. Dans la rage, trop de barrage dans les parages. La contour pour notre cache, la contour de la page. Sarkozy en a la rage, trop de barrage dans les parages. La contour de la cage, la contour de ta page. Sarkozy en a la rage, trop de barrage dans les parages. La contour pour notre cache, la contour de la page. Sarkozy en a la rage, trop de barrage.